Les femmes de Shakespeare, l'abbesse, par la comtesse de Brady. Fidèle observateur et peintre admirable de la nature, le grand Shakespeare, en variant à l'infini ses créations, ne s'est jamais écarté de la vérité. Son œil perçant lit dans le cœur humain, et son génie dédaigne les préjugés du siècle qui s'opposeraient à la révélation des secrets qu'il découvre. Une épouse fidèle, une mère tendre et dévouée qui perd à la fois tous les objets de son amour, ne peut se livrer à sa douleur et conserver sa raison qu'en pleurant au pied des autels de celui qui consola Lia et ressuscita le fils de la Sunamite ou de la veuve de Naïm. Comme elle a rempli ses devoirs d'épouse et de mère, Émilie remplit ceux que lui impose la vie monastique qu'elle a choisie. Une charité immense, celle que prescrivit le législateur des chrétiens, embrase son cœur. Elle se résigne à souffrir en soulageant les maux d'autrui. À la triste mais incontestable joie de sentir couler ses larmes dans le repos du cloître, elle fait succéder l'activité qui recherche les infortunés, la résolution qui les recueille et les soutient, la persévérance qui les conduit au bonheur qu'elle n'espère plus pour elle-même. Ce n'est plus la voix de son époux, de ses fils, qui frappe son oreille, mais les gémissements du malheur ont la puissance, les charmes de cette voix, et la chrétienne a puisé dans les austérités le courage d'y répondre. Tel est le caractère de l'abbesse, tracé par le prince des poètes anglais, à une époque et dans un pays où l'abnégation de soi-même et les vertus toutes pures, toutes intellectuelles des recluses s'appelaient momeries de nonnes. Shakespeare devinait que dans les âmes nobles, l'étroite observance des règles devenait l'amour de l'ordre, tel que voulut s'y soumettre celui qui fixa le cours des astres et le retour des saisons. Que les jeûnes, les rigueurs de la pénitence, n'étaient que le triomphe de l'esprit sur la chair. Que la prière perpétuelle n'était que cette communion de pensée qui lie les créatures à leur créateur, et que les solitaires se chargent d'exprimer, en joignant ainsi le monde au ciel. Que tant de soins, du minutieux détail, n'étaient que les œuvres d'une charité prévoyante et habile qui ne néglige rien, à l'imitation de Jéhovah, pourvoyante à la nourriture du passereau et aux vêtements du lys des vallées. Ce fut ainsi que le génie de Shakespeare comprit la vie cénobitique et que la pratiquèrent toujours les vrais chrétiens. Mais au fond de ces voûtes obscures et silencieuses, sous cette bure, sous ces voiles, Émilie, qui chaque jour sent s'effacer les vains souvenirs du monde, conserve l'expérience qu'elle y a acquise, connaît et apprécie les illusions des enfants du siècle, et cédant des lumières divines qui sont devenues le prix de ses nouvelles vertus, rassure les consciences ou les épouvante. C'est sur une des passions les plus âpres qui puissent troubler la paix du cœur et la félicité de l'union conjugale qu'une jeune femme vient auprès d'elle répandre des larmes. « Je ne suis plus aimée, dit-elle, celui qui m'avait choisi me fuit. » Une mélancolie, un chagrin profond altèrent son caractère. « A-t-il perdu sa fortune ? Demande la recluse. « A-t-il vu mourir un ami ? Ou, comme tant de jeunes hommes, a-t-il laissé errer ses regards et l'objet d'une passion adultère est-il devenu l'arbitre de sa vie ? » La fortune lui est demeurée fidèle. Il n'a point perdu d'amis, non. Un amour illégitime doit seul avoir anéanti celui qu'il m'avait juré. Et vous ne lui avez point dressé de plainte, de reproche ? Seul ou entouré de parents et d'amis, vous étiez silencieuse et feigniez d'ignorer cette offense ? Non. Je n'ai point encouragé par une indulgente faiblesse ce nouvel amour qui a détruit mon repos et le sien. J'ai perdu dans les veilles inquiètes et dans les larmes la beauté qui l'avait charmé. J'étais toujours sur ses pas. Ma tendresse épiait ses démarches. Les yeux lui exprimaient une juste défiance. Ma bouche, qui ne souriait plus, s'ouvrit enfin et je lui témoignais mon indignation. Quand je ne pouvais être entendu que de lui, je ne l'épargnais point. Avions-nous des témoins ? Mes allusions faisaient souvent rougir son front. Jamais je n'ai laissé de trêve à cette affection criminelle qui, vous le voyez, a fini par altérer sa raison. Pourquoi n'accusez-vous point de ce malheur les aigres et constantes clameurs d'une femme jalouse ? Quel poison avez-vous servi à la table de votre époux ? Quelles épines avez-vous semées sur sa couche ? Quoi ? Nul répit dans ses travaux ni dans ses délassements ? Et son sommeil, troublé par vos cris, comme celui du criminel par les remords ? Femme coupable, c'est votre jalousie, et non son amour qui l'a rendue insensée. plus de paix, plus de joie domestique, l'humeur constante, l'ingénieuse persécution d'un côté, de l'autre, le découragement, la tristesse, l'inconsolable désespoir et le délire qu'il provoque. Frappez votre poitrine, ou si j'ai manqué de discernement, si mes paroles vous outragent, répondez-moi et justifiez-vous. Pourquoi vous taire? Hélas, votre voix a réveillé celle de ma conscience, je n'entends plus qu'elle. Cette justice sévère qu'exerce l'abbesse, sans doute elle s'y conforma toujours. Aussi, quand elle retrouve son époux privé de sa liberté, « Je le dégagerai de ses chaînes, s'écrie-t-elle, le rendre libre, c'est le rendre à son Émilie. » En montrant l'énergie du caractère de l'abbesse quand elle usa du droit d'asile accordé à son monastère et qu'elle le soutient avec fermeté, Shakespeare a voulu que les vertus de la religieuse fussent récompensées dans la mère de famille. C'est son fils que, sans le reconnaître, Émilie a protégé et défendu, et c'est de l'épouse de son fils qu'elle a obtenu les aveux qui ont motivé cette dure leçon, dont la jeune femme ne perdra jamais la mémoire. Ce caractère de l'abbesse si grand et si noble, il n'a fallu que deux scènes à Shakespeare pour le faire connaître, tant il a su donner de force aux situations, ainsi qu'aux paroles prononcées par le personnage. C'est un des traits distinctifs du génie que d'expliquer sa pensée en peu de mots et d'en faire le sujet d'une méditation profonde qui conduit à la découverte de mille beautés que l'âme saisit, que l'esprit développe et qui seraient passées fugitives si elles eussent été décrites par celui qui les créa. C'est l'art, ou plutôt le génie de Shakespeare.